Y'a quoi, y'a quoi, normal. Mais tu songes le cogne mal. Pète ce mince quand je parle, quand je rappe. Et si j'ai dans le blizzard, 9, 2, 3, c'est le code barre. Couche vert, jaune, rouge, mon étendard. Ouais, mon flow, il te regarde bizarre. Ma venue au monde, c'est un attentat. Attends quoi, j'attends pas, ouais, j't'attends pas. Planque-toi, c'est pas max, banlieue 92. Couche, mon flow, il est au tchécar, comme le tchèbe et le couche. Couche, la roue, elle se met des doigts, j'attends plus son coup de pouce. Et nous, les chiens deviennent loups quand sonne minuit et ses 12 coups. Contracté du plus petit au doyen, ça fait du bif par tous les moyens. On veut tous gratter au quartier, tout le monde en veut plus. Tous vendent, tous s'achètent comme on se pue. Commissaire, il en peut plus. Chaque jour, on est parqué. Marianne, c'est une bitch, faut la maquer. Cette gare, ça finira la fente éclatée. J'ai dit, je reste marqué. Histoire, je la vis mal comme Malcolm. Impossible que je change comme Jackson. Je reste moi, écoute bien, MC de merde. Prends pas pour qui t'es pas. Et prie pour que le bon Dieu quitte tes pas. C'est quoi, de toute façon, l'industrie, c'est le bébé de chaud. Crois que ton son, il nique tout. C'est du pipi chat. Tu parles trop, moi, j'ai un chrome comme une dangereuse arme. Si c'est le bled, si c'est le hall, c'est mes banlieusards. On lâche rien parce que c'est un site pour l'oseille. Fais ton bis, fais tes bolos et tes bolosettes. Non, mec, mes couilles, je lâche pas, je les garde sur moi. Je garde un œil sur les stars parce qu'ils gardent un œil sur moi. Hey, fais ça propre dans tes combines. Hey, qu'est-ce qui t'arrive? Parle bien quand tu prends le combiné. Procureur plaide pour qu'on m'emmène, pour qu'on m'enferme. Mais moi j'ai pas le temps, mec. Nicolas, c'est une petite pute, dis-lui bien que je l'emmerde. Car le baki ne fait pas le rappeur, la rue ne fait pas le raté, le bling ne fait pas le blindé, le fric ne fait pas le braqueur. Ramène tout ta dream team, ta boîte sur le ring. Sache que le drink ne fait pas le vainqueur. KTF1 veut cacher ce racisme en y mettant un jeune noir qui anime le journal de 20h. Méfie-toi de ceux qui se vantent et inventent des centres souvent décevants que le voisin qui porte plainte. Tu vis dans le mensonge, tu te sens comme averti. Tu vis dans le virtuel comme sur Azerty. On sait quand ça commence, comment ça se termine. Du bégon sur la vermine. Ça c'est ma bande, c'est ma banlieue. Alors beaucoup se vantent, malgré les 10 commandements vendieux. Okay. ODT un style dangereux.